Bienvenue dans Holiday Mix. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Salut et bienvenue, c'est Holiday Mix, ça va mouliner sec aujourd'hui. Au menu du jour, je vous propose de l'électro bien sûr, mais aussi une touche de tech house. Il y aura de la trance, de la dubstep, de la drumstep et une touche de drum and bass en guise de dessert. On démarre sans plus attendre avec le nouveau titre des Chocolate Puma avec Colonel Red en featuring. Voici Destiny. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. I got to ça. C'est tout nouveau. Et rien que pour toi. En exclusivité sur Holiday Mix. Holiday Mix. The music plays. Holiday Mix. Holiday Mix, les meilleures nouveautés dance floor avec Monsieur Cortez. Holiday Mix. Holiday Mix. Il a l'habitude de tabasser comme un malade et même s'il a invité Winter Gordon sur ce titre In The Morning, pas question de s'adoucir la moindre, Robbie Rivera. Juste avant, il y avait Josh The Funky One avec sa reprise du Alright de Sterling Void. Et encore auparavant, The Flea Circus, le cirque des mouches, un titre signé solo, titre particulièrement apprécié par Carl Cox durant la saison 2012. À venir dans l'idée mix, le carton de Hansel & Dairo, Top of the World, mais tout de suite, en nouveauté, voici Alex Preston avec ce Bullshit Party. Yeah. Monsieur Cortez. I've been to the top of the world and back. World and back. I've been to the top of the world and back. World and back. I'm écoute Holiday Mix. Holiday Mix. Les meilleures nouveautés qui font vibrer les dance floors du monde entier. We'll be right back. Monsieur Cortez. Écoute ça. Make the trap play. Get booked. And this is true. We love to do the things that we're not supposed to do. We don't need robbing, stealing, or mugging. And not to take it seriously, we're only bugging. Yeah. game. Whistle, and this is true. We love to do the things that we're not supposed to do. We don't need robbing, stealing, or mugging. We have to take it seriously. We're only bugging, bugging, bugging, bugging, bugging, bugging, bugging, bugging, bugging, bugging. You're listening to Monsieur Fabulous in the mix. We're only talking. Let's go. Destruction sonore puissance 1000, c'est Holiday Mix avec à l'instant Knife Party et leur Bonfire. Auparavant, vous avez entendu Calvertrans avec leur remix du Just Blowing the Whistle en version dubstep. Il y avait également Cascade and Skrillex avec Liquid et dans la catégorie trance. Vous avez également pu écouter auparavant Jorn van Beethoven avec Headliner ainsi que Tony Ness et son Seventh Wonder. Holiday Mix, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un numéro spécial vintage à base de funk, de disco, de soul et de jazz. Et on va se quitter avec un son drum and bass signé Rockman. Voici Troupa. Bye bye à tous et à la semaine prochaine. You're afraid of us. Change.